Il reste ici, dans son petit coin d'Afrique, avec les nègres et les moustiques. Il ne se prend jamais la tête, même si la vie, c'est pas la fête. Tonton Alcide, il reste là, il fait ses petits trafics dans son petit coin d'Afrique, avec la fièvre et la chaleur, avec le rien et la moiteur. Tonton Alcide reste là, s'il le voulait il partirait pour le nord et les pays frais. S'il reste ici c'est pour le fric, pas pour les nègres, pas pour l'Afrique. Aux colonies on voit de la boue, aux colonies on voit pas le bout de sa misère, on s'habitue à son enfer et au palud, au palud. Ici pour la petite, ses robes, ses livres et la pension, les frais de l'institution, pour la petite orpheline, pour la petite orpheline. Tonton Alcide, il reste là, tonton a l'esprit de famille. Même s'il ne vaut pas une bille, ce sera son plus bel honneur de tout laisser, même son bonheur. Aux colonies on voit de la boue, aux colonies on voit pas le bout de sa misère, et l'on s'habitue à son enfer et au palud, au palud. C'est pour cette petite qu'il ne connaîtra jamais, lui Alcide qu'on aime à jamais. Il cultive cette petite fleur, un petit bout tendre dans son cœur, un petit bout de petite fille, toute seule bien loin de l'Afrique, qui ne connaît rien des moustiques. Dans sa jungle parisienne, entendra-t-elle le rire des hyènes? Aux colonies on voit de la boue, aux colonies on voit pas le bout de sa misère, et l'on s'habitue à son enfer et au palud, au palud. Aux colonies on voit pas le bout de sa misère, et l'on s'habitue à son enfer et au palud, au palud.